pas aidé. C'était out, j'avais pas un euro. J'ai galéré, j'suis malheureux. Tu m'as pas aidé, c'était out, j'avais pas un euro. On est passé dans les tonnes, on est passé dans les têtes. J'ai de quoi vous éliminer, mais j'me retiens drapé. L'amour de la haine, gros, ma cité va craquer. Mais j'me suis pas lassé de la guerre avec les gardiens de la paix. Vas-y, garde la tapée. J'ai galéré, j'en suis malheureux. Tu m'as pas aidé, c'était out, j'avais pas un euro. J'ai galéré. J'ai de quoi vous éliminer, mais je me retiens drapé. L'amour de la haine, gros, ma cité va craquer, mais je me suis pas lassé de la guerre.